بسم الله الرحمن الرحيم. فمن هذا اليوم سندخل في كتاب جديد وهو كتاب الصلاة. dernière fois nous avons achevé le livre de la purification et nous rentrons désormais dans كتاب الصلاة, c'est de la salat. بفضل الله تعالى. يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الصلاة في اللغة الدعاء. Que la salat, le mot salat, linguistiquement parlant, ça veut dire invocation, prière. Wa fi al-shara, ibaratu dhat aqwal wa af'al ma'louma. Awwaluhu at-takbir wa akhiruhu at-taslim. Et donc dans la législation, la salat, c'est une adoration qui contient des paroles et des actes connus. Dont le premier est le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Et dont le dernier est de faire le taslim, le fait de saluer. Donc là, on voit la différence qu'il y a entre les deux, ce qui, une fois de plus, montre que le fait de traduire la salat par le mot prière en français, cela n'est pas fidèle au sens légiféré. N'est pas fidèle au sens légiféré. Car là, ce serait le sens littéraire, et non pas le sens légiféré. Il y a encore moins ce qui concerne la salat d'Allah Azzawajal sur son prophète. On en a déjà parlé plusieurs fois. Comme ça ne se traduit pas par la prière. On ne dit pas que Allah y prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été interprété et c'est venu dans le Sahih Bukhari par Ibn Abbas que c'est en fait que Allah azawajal fait l'éloge de son prophète auprès des anges. Et la salat des malaïkas sur les bani Adam, sur les fils de Adam, leur salat des malaïkas, c'est pas ils font la prière également. C'est istighfar, ils demandent pardon. Donc les choses doivent être traduites selon leur sens légiféré. Lorsqu'il s'agit d'une chose qui revient au shara. Et quand c'est une chose qui revient à la langue arabe, on parle langue arabe. Et quand c'est une chose qui revient à la coutume, on traduit le sens de la coutume. Naam. قال وهي ثاني أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين ويدل على أهميتها أن الله تعالى فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم محمد منه إليه بدون واسطة وهو فوق السماوات السبع ليلة المعراج. Donc elle est le deuxième pilier de l'islam et le plus important après les deux attestations. Et ce qui prouve son importance, c'est que c'est Allah Azawajal qui l'a imposé directement à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sans intermédiaire. Et cela alors qu'il était au-dessus des septièmes cieux, des sept cieux. Vous voyez que Allah était au-dessus des cieux. La nuit du mirloge de l'ascension. Wa kana dhalika qabla al-hijra, bi nahwi thalath sinin, ala mashhur. Cela s'est produit à peu près trois ans avant la hijra. Selon le coul, selon la parole qui est connue. فرض الله 50 صلاة حتى استقرت الفريضة خمس صلوات في اليوم والليلة. Au début, Allah avait décrété que c'était 50 salat. Et après, c'est devenu 5. Car Moussa alayhi salam, lorsque le Nabi sallallahu alayhi salam redescendait de cette ascension, Moussa lui demandait qu'est-ce que ton Seigneur t'a décrété. Et il lui disait 50 salat. Et Moussa lui dit que c'est beaucoup trop pour ta communauté. On remonte pour que ton Seigneur y réduise du nombre. Il a fait comme ça différence d'aller-retour, jusqu'à ce que ça arrive à 5 salats. Mais en réalité, quand même, comme dans le hadith est même venu, que chaque salat elle en vaut 10. Donc ça revient à 50 salats. Non. Thumma qal, wa kana yusalliha rakatayn rakatayn ila al-maghrib fa thalath rak'at li yutiru biha salat an-nahar. Donc au début le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il faisait ses salawat par deux rakat. Ce n'était pas comme cela a été décrété par la suite. Le fajr, il faisait deux rakat. Le zor, il faisait deux rakat. Le as, il faisait deux rakat. À part le maghrib, il faisait trois rakat. Et le isha, il faisait deux rakat. Et cela pourquoi le maghrib s'est resté pour que sa dernière salat de journée finisse par un nombre impair. فَلَمَّا هَاجَرَ لِلْمَدِينَ بَقِيَتَ رَكَعَتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ وزادت صلاة المقيم إلى أربع ركعات إلى الفجر فبقية ركعتين لطول القراءة فيها. Il a dit une fois qu'il a fait l'hijra, ensuite le Medina, de là la quantité elle a changé. De là c'est devenu comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque salat pour le résident est devenu de 4 ركعات, hormis le fajr qui est resté de 2, car la lecture dedans elle est plus longue que dans les autres salawat. Et le maghrib qui reste le 3. Et les autres salawats sont devenus de 4 rakat. Et c'est devenu 2 rakat pour qui? Pour le voyageur. Pour le voyageur. نعم. طيب ثم بعد هذا قال باب المواقيت le chapitre maintenant des horaires. Car les horaires sont parmi les conditions de la salat. كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Que la salat a été donnée à des heures prescrites pour le croyant. La salat elle a des heures qui doivent être respectées. Hormis dans certaines conditions comme le voyage, d'accord, ou le malade. وهكذا. قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى المواقيت جم ميقات وهو الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه. Donc c'est le mawaqit, c'est le jam, le pluriel de miqat, qui est le temps décrété pour accomplir la salat. Al-awqat khamsatun liman lam yajma' li kulli salatin waqtun had khas wa thalathatu liman yajma' li indimaj waqt al-asr fi waqt al-dhuhr wa waqt al-isha'i al-akhirati fi waqt al-maghrib. Donc les temps des salat, ils sont de 5 pour celui qui ne réunit pas entre les salawat. Et chaque salat a un temps qui est prescrit, qui est précis. Et il y a trois temps dans lesquels on peut joindre entre les salawat. Par exemple, le dhor et le asr, on les réunit entre le temps du dhor et le temps du asr. Pour celui qui est en voyage, ou celui qui est malade. Et le maghrib et le isha, on peut les réunir du début du maghrib jusqu'à la fin du temps du isha. Pour l'occasion du voyage kazalik et du malade. Quant au fajr, son temps ne change pas. Donc ça fait trois temps. Cinq temps de base et trois temps pour celui qui doit joindre entre les salawat. وبدأ المؤلف بالمواقيت لأنها أهم شروط الصلاة. Et donc l'auteur a commencé par justement parler des horaires, qui sont parmi les conditions la plus importante de la salat. نعم. طيب. Mais qu'en réalité, la condition la plus importante, ce serait la tahara. Car le temps des salats peut changer. Après, tahara, elle ne change pas. Hormis pour le tayammum. Allahu ta'ala alam. Al-Muhim, toutes sont indispensables pour que la salat soit rendue valide. Donc là, il rentre dans le hadith Arabi' wa Arba'in. Puis le hadith Arabi' wa Arba'in. 44e hadith. An Abi Mas'ud al-Shaybani. عفواً عن أبي عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه دار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة ولا وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. Dans le hadith, Abu Amr al-Shaybani, dont le prénom est Sa'd ibn Iyas, il a dit que l'homme, le propriétaire de cette demeure, en indiquant la demeure de Abdullah ibn Mas'ud, a dit, c'est-à-dire Ibn Mas'ud dit qu'il a dit, j'ai interrogé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure des œuvres, ou l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah. Il m'a répondu, la salat en son temps. Je lui ai dit ensuite, quelle œuvre? Il a dit, la bienfaisance envers les parents, l'obéissance envers les parents. Je lui ai dit, et ensuite, quelle œuvre? Il a dit, le jihad sur le sentier d'Allah. Il dit que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, m'a rapporté ces trois choses-là, et si j'avais demandé qu'il m'en rajoute, il m'aurait rajouté. Taïb. Donc maintenant, les rapporteurs du hadith. En premier lieu, c'est Abu Amr al-Shaybani, Sa'd ibn Iyas, rahimahullah ta'ala. Aslama fi hayat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa lam yajtami' bih. Donc lui, Abu Amr al-Shaybani, il s'est converti à l'islam du vivant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne l'a pas rencontré. Donc ce n'est pas un sahabi. Ce n'est pas un sahabi. Donc c'est un muhadram. Ce sont ceux qui ont connu la Jahiliya et qui sont soumis à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas rencontré. Et également, il prend le jugement d'un tabi'i, car il a rencontré les sahaba par la suite. Donc il était thiqa et il a vécu à Al-Kufa et il y est mort l'année 96 de l'Hégire. وعبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي. Donc Abdullah ibn Mas'ud, c'est lui le rapporteur du hadith, le sahabi qui l'a rapporté. قال كان سادس رجل في الإسلام وهاجر هجرتين وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لغلام معلم. Donc lui, le sixième des hommes à s'être soumis à Allah Azza wa Jal. Quand l'islam, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu avec son appel à l'islam, il est le sixième à s'être converti. Et il a fait les deux hijra, celle en Habasha et celle en Medina. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu es certes un jeune garçon, yani instruit en religion. وقال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن عبد. Et qu'il a dit, Nabi Salam, celui à qui il pleurait de lire le Coran fidèlement comme il est descendu, alors qu'il le récite, qu'il récite la récitation de Ibn Abd, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud. Wa kana mimman yakhdumu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sahib sawakihi wa na'alayhi wa wisadihi. Donc il est parmi ceux qui ont justement servi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui était à son service. Wa qala Hudhayfa, ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. Et que Hudhayfa a dit, je ne connais personne qui soit plus proche dans ses caractéristiques ainsi que dans sa guidée que du prophète صلى الله عليه وسلم que Abdullah ibn Mas'ud. شهد غزوة بدر وما بعدها. Et il assistait à la bataille de Badr et aux autres. Et il dit qu'il est celui qui a achevé Abu Jahl. Le coup de grâce à Abu Jahl, c'est lui qui lui a rapporté. أبدا. نعم. طيب. Et que Ibn Mas'ud, il est mort à l'époque du califat de Othman à Al-Medina. En l'an 36. Il y a l'an 36. Ou plutôt 32. نعم. 32 de الهجرة. Donc, قال موضوع الحديث بين أحب الأعمال إلى الله. Donc, ce hadith a pour sujet de montrer les œuvres les plus aimées auprès d'Allah عز وجل. يقول في الشرح الإجمالي في هذا الحديث يخبر عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليتبع ما هو أحب إلى الله ويقدمه على غيره. Dans ce hadith, Ibn Mas'ud nous informe qu'il interrogeait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quelles sont les œuvres les plus aimées auprès d'Allah afin de pouvoir les appliquer, de faire ce que Allah aime le plus et de faire prédominer sur toute chose. Wa li ilmi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi iman Abdullah ibn Mas'ud wa ma'rifatihi bi martabat al-iman wa ajabahu sallallahu alayhi wa sallam al-maratib al-a'mal al-zahira al-badaniyah. Donc comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait déjà que Ibn Mas'ud connaissait les niveaux de la foi, il lui a donc indiqué le niveau des actes des membres. فبين أن أحب الأعمال إلى الله هي الصلاة في الوقت المطلوب فعلها فيه. Donc il a dit, il lui a indiqué que l'œuvre le plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est de faire la salat dans son temps, d'accord, prescrit. وهو أول الوقت إلى العشاء الآخرة. Et que en fait le meilleur des temps c'est en début du temps. Quand le temps commence, dès le début. En mieux, l'Isha, qui, elle, le temps préféré, c'est de la repousser hein, jusqu'à la fin de son temps. L'Inna salat a'azam hukukillah ba'da l'iman billah thumma l'ihsan ila walidain. L'Inna haqqahuma a'azam al-hukuk ba'da haqqillah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam thumma l'jihad fi sabilillah biqital a'da'ihi wa dhab'an shari'atihi. Donc, il a pourquoi qu'à la salat, et c'est le plus grand droit d'Allah azawajal après la foi. Ensuite vient, comme plus grande des actes, la bienfaisance envers les parents. Car leur droit est le plus grand des droits après celui d'Allah et de son messager. Et ensuite vient en troisième position, le djihad, qui consiste au combat des ennemis et le fait de protéger la législation. ثم بين عبد الله بن مسعود أنه لو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة بين مراتب الأعمال زاده ولكن ترك ذلك خوف السامة والملل بزيادة عن الثلاثة. Et qu'Abdul Ibn Mas'ud a informé par la suite que si l'ami il avait voulu que le Nabi sallam lui réponde, lui donne encore plus d'actes Et mieux que d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire qu'il poursuit après le troisième, quatrième, cinquième, il aurait pu le faire, mais il n'a pas demandé de peur que cela n'amène à une lassitude. Et cela est plus facile à mémoriser, trois actes importants. Mais lui s'est retenu d'interroger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'où le bon comportement du Sahabi et du Talib avec son enseignant, qui ne l'assomme pas de questions. Tu poses une question, tu as une réponse. Après, tu as malheureusement certains qui ont la manière d'enchaîner question sur question sur question par la suite. Ce qui amène à fatiguer le questionneur. Donc se contenter de l'essentiel, le plus important. قال في فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وطلب الفضائل. Cela montre le souci qu'apportaient les Sahaba à rechercher la science et à connaître les choses qui sont méritoires. ثانيا فضيلة الصلاة في وقتها المطلوب فعلها فيه وأنها أحب الأعمال إلى الله. Qui montre le mérite de la salat dans son temps et qui est en début de son temps également et que c'est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal, parmi les أعمال des جوارح des membres. ثالثا أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. Que la bienfaisance envers les parents est meilleure que le jihad. رابعا فضيلة الجهاد في سبيل الله. Qui montre le mérite de ce jihad. خامسا أن الله تعالى يحب الأعمال الصالحة وبعضها أحب إليه من بعض. Et que Allah il aime toutes les œuvres pieuses, mais seulement certaines sont préférées à lui que d'autres. نعم هذا الذي أخذنا اليوم بهذا الحديث والحمد لله رب العالمين.